tu vois l'an 2000? Il y aura des patrons et puis des ouvriers, ça c'est obligé. Comme toujours. Oh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans? Oh, je serai un pauvre ouvrier. Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans? Canaille, ah merde, tu m'as la preuve. Lambda sorti du quartier comme tant d'autres, vise droit dans le tas, n'écoute que toi car ici les gens t'endorment. Je cours plus après des chasses futiles, des prods, des faux soutiens. Quand dans ma tête ça fulmine, je craque la tige, des causes sous jack. Esclave moderne, sans tête à vie pour une maison. Wesh, je regarde le ciel, je me fais des films comme Luc Besson. Et sans aucune raison, parfois je dérape, ensuite je me tape des barres. La route est longue, j'ai fait du chemin depuis la case départ. Faut tout pétard, ce soir papa va se coucher tard. Une nuit de plus, je m'endors dans les bras du chétan. J'suis pas fier de tout, mais d'elle, je le serai à vie. Trop de putes m'ont fait la bise, j'aurais dû resserrer la vis. Les gens te la mettent sans préavis. J'pars, les yeux dans le vide, les nerfs à vivre. J'rappe, car c'est ma seule thérapie. Mais pour percer, mon écriture, c'est pas la bonne. Fuck, on reste vrai, big up, ah merde, tu m'as la prod. On reste vrai, big up, ah merde, tu m'as la prod. Pour le progrès, ce sera. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain. Qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. J'ai peur de l'avenir que la vie nous réserve. Et toutes les nuits j'en perds le sommeil. Je suis resté assis sans bouger pendant des heures. J'attends que le soleil se lève. J'ai peur de l'avenir que la vie nous réserve. Et toutes les nuits j'en perds le sommeil. Je suis resté assis sans bouger pendant des heures. J'attends que le soleil se lève. Avale la pilule, y'a que le pardon qui soigne. J'suis pas Lucky Luke, c'est ma pardon qui me flingue. Y'a trop d'arons qui saignent en silence, sourire aux lèvres. J'connais le raccourci pour s'y rendre sous hydromel. À 2:30 dans un virage serré, le village éveille au son des sirènes et des rimes acérées. Trop de problèmes m'étreignent, faut que j'respire. Un goût de haine, beaucoup de traîtres, en fait, faut que j'reste pisse. Nique sa mère, c'est pour les smicards, les bazar, les rap la merde. En sneakers fraîches, ouais, on connaît pas la vraie galère. Fuir la guerre et les bombes, sa terre et ses coutumes. On s'y retrouve plus, entre les bons et les coups de pute. La vie fait pas crête, faut payer comptant. Les gens changent, et t'es le même qu'hier, c'est que t'as perdu ton temps. J'espère que tu comprends, y'a toujours pire ailleurs. La mort te frappera, toujours pile à l'heure. J'ai peur de l'avenir que la vie nous réserve. Et toutes les nuits j'en perds le sommeil. J'suis resté assis sans bouger pendant des heures. J'attends que le soleil se lève. J'ai peur de l'avenir que la vie nous réserve. Et toutes les nuits j'en perds le sommeil. J'suis resté assis sans bouger pendant des heures. J'attends que le soleil se lève. J'ai peur de l'avenir que la vie nous réserve. Et toutes les nuits j'en perds le sommeil. J'suis resté assis sans bouger pendant des heures.